demain je dois partir, mais seulement pour quelques jours. Toi tu vas mal dormir, tu vas attendre mon retour. Je sais qu'au fond de toi il y a la peur de demain, mais ce n'est qu'une pause, la dernière pierre sur mon chemin. Demain je vais devoir affronter encore mes démons. C'est bout de mon histoire que j'ai laissé bien loin derrière. Pas de soucis pour toi, pas besoin de faire des prières. Je reviendrai bien vite poser un baiser sur ton front. J'ai juste envie d'être moi, juste envie de vivre ma vie, de pouvoir être près de toi, la partager. Je t'aime ainsi. Ce n'est rien qu'une pause, rien qu'un voyage pour l'avenir, rien de plus qu'une balade vers ce qui ne me retient plus. Mon pays est ici, maintenant l'autre n'existe plus. Rayé de mon histoire, il n'est rien de plus qu'un souvenir. Tu sais bien que ma vie a redémarré avec toi, que tout ce que j'ai dit, ce que j'ai fait n'est pas en vain. Mon âme a trop besoin de tes sourires et de ta voix. Mon cœur n'a plus de place ailleurs que tout contre le tien. J'ai juste envie d'être moi, juste envie de vivre ma vie, de pouvoir être près de toi, la partager. Tu vois, je t'aime ainsi. Demain je reviendrai, quand j'aurai réglé mon histoire, quand tout ce qui me reste de mon ailleurs sera ici, quand j'aurai effacé toute trace de mon autre vie, pour ne laisser derrière que des souvenirs dérisoires. J'ai juste envie d'être moi, juste envie de vivre ma vie, de pouvoir être près de toi, la partager. Toi, je t'aime ainsi. Demain je dois partir pour effacer tout mon passé, pour balayer une vie que je n'ai plus envie de connaître. Là-bas je n'ai plus rien qui puisse me faire renaître. Demain je reviendrai près de toi pour tout oublier. J'ai juste envie d'être moi, juste envie de vivre ma vie, de pouvoir être près de toi, la partager. Je sais bien, je t'aime ainsi. De pouvoir être près de toi, la partager. Je t'aime ainsi.